إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, toute personne vivant sur cette terre recherche la quiétude, la joie et le bonheur, ainsi que la dissipation de l'angoisse et des soucis, et ceci pour pouvoir accéder et vivre une vie heureuse et agréable. Mais pour réaliser ce but, il y a des moyens, des causes, qu'elles soient religieuses, naturelles ou pratiques, et nul ne peut réunir ces causes si ce n'est le croyant. Quant au non-croyant, s'il peut profiter de l'une de ces causes évoquées, il sera privé des causes les plus avantageuses et les plus profitables pour réaliser ce but tant recherché. Donc nous allons voir ensemble durant ce mois béni, à travers cet épître intitulé « Les moyens utiles pour une vie heureuse » écrit par l'éminent savant, le Cheikh Abdurrahman Nasr al-Sa'di, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, les moyens pour accéder à cette vie heureuse, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que cette science utile étudiée ensemble soit un argument en notre faveur le jour du jugement dernier. Le premier moyen que le Cheikh rahimahullah a évoqué est le plus grand et le plus important, est la foi en Allah et l'accomplissement des bonnes actions. Allah dit dans le sens du verset: quiconque mâle ou femelle fait des bonnes œuvres tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. À travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe et promet et nous promet une vie heureuse et une meilleure récompense, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà, à toute personne qui aura joint la foi aux bonnes œuvres. La raison ici est claire, car le croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, disposant d'une foi authentique, source de bonnes actions qui réforment les cœurs, les comportements dans ce bas monde et dans l'au-delà, cela dispose des principes leur permettant d'obtenir tout ce qui peut être une cause de joie et de gaieté, et d'éviter toute cause qui mène à l'anxiété, l'amertume et la tristesse. Ils accueillent tout bienfait, toute satisfaction en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala et en faisant bon usage. S'ils s'en servent de cette manière, cela leur procurera la joie, le désir de voir cette joie perdurer et augmenter, l'espoir d'avoir la récompense de ceux qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala, et ils espèrent en même temps une plus grande récompense qui dépasse de loin ces joies dont ils ont récolté les fruits. Ils acceptent les épreuves, les malheurs, les angoisses en résistant comme ils le peuvent, et ils s'arment d'une belle patience pour faire face à ces épreuves. C'est ainsi qu'ils auront comme résultat, pour leur patience, leur résistance et leur espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa récompense, des choses immenses qui dissiperont toutes ces épreuves, ces angoisses, ces malheurs, pour laisser place aux satisfactions, aux bons espoirs, aux désirs en la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et en sa récompense. Dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'affaire du croyant est étonnante. Que l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte que du bien. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah. Et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, d'une épreuve, il l'endure avec patience, et c'est là encore pour lui une bonne chose. Et ceci n'appartient qu'aux croyants. Donc le prophète nous informe que les biens et les récompenses du croyant se multiplient en fonction de ce qui lui advient de bienfaits, de satisfactions et d'événements tragiques. Et c'est pour cela qu'il t'arrive de trouver deux individus ayant été touchés d'une même épreuve, mais leur comportement vis-à-vis de cette épreuve diffère. Ceci en fonction de leur degré de foi et de leurs bonnes actions. Celui qui possède ces deux qualificatifs, donc la foi et les bonnes œuvres, accepte le bien et le mal, comme nous l'avons évoqué précédemment. Donc il accepte le bien, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec gratitude, en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il accepte les épreuves, le mal, avec patience. Et ceci lui procure de la joie, de la gaieté. Et tous ses soucis, ses angoisses se dissipent pour laisser place à une vie agréable dans ce bas monde. Quant au second, donc la personne qui n'a ni de foi, ni de bonnes actions, il accueille tout bienfait avec arrogance et injustice. Ses mœurs et ses comportements se pervertissent. Il est pris de cupidité et de frayeur comme les animaux. Et malgré cela, il n'a pas le cœur tranquille. Mais bien au contraire, son cœur est partagé entre la peur que ses bienfaits disparaissent et entre le désir d'atteindre d'autres bienfaits, sans savoir si cela peut se concrétiser ou non. Et même si cela devait se concrétiser, le problème serait toujours le même. Le cœur de ce dernier sera sans cesse rempli d'inquiétudes et de soucis. Quant aux épreuves, il les accueille avec angoisse, impatience, peur et colère, et ne cherche même pas à connaître les complications et les malheurs dans lesquels il vit, sans compter ses égarements, ses maladies nerveuses, et plus grave encore, cette crainte et cette peur peuvent l'entraîner à une fin tragique, car il n'espère aucune récompense, tout en étant démuni de patience, ce qui le consolera et le soulagera. Tout ceci est visible par celui qui en fait l'expérience. Exemple, si tu observes les gens, tu trouveras une grande différence entre le croyant, pratiquant, conforme à sa foi, et celui qui ne l'est pas, qui n'est pas croyant. Car la religion, notre religion, l'islam, nous insiste vivement à se contenter de ce qu'Allah nous a octroyé comme subsistance. Comme dans le hadith, le prophète sallam dit: sois satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, tu seras le plus riche. Tu seras le plus riche parmi les gens. Donc si le croyant est touché d'une épreuve, maladie, d'une pauvreté ou autre, avec sa foi et sa conviction, sa satisfaction de ce qu'Allah lui a donné, tu le trouveras apaisé. Et il n'espérera pas une chose qu'Allah ne lui a pas prédestinée. Il regardera celui qui a moins que lui et ne regardera pas celui qui a plus que lui. Naam. Et ceci, comme le dit le prophète sallam dans le sens du hadith, regardez ceux qui sont en dessous de vous, donc ceux qui ont moins que vous, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, donc ceux qui ont plus que vous, afin que vous ne minimisez pas les bienfaits d'Allah sur vous. Donc il se peut qu'il soit plus heureux que celui qui réunit toutes les richesses de cette vie d'ici-bas. Donc ce croyant-là, naam, il se peut qu'il soit plus heureux, et il est plus heureux que celui qui réunit les richesses de ce monde. Si ce dernier ne se contente pas de ce qu'il possède, comme tu peux trouver celui dont tous les actes ne sont pas conformes à la foi musulmane, s'il lui arrive d'être éprouvé par la pauvreté ou par une perte d'un ou plusieurs biens mondains, tu le trouveras malheureux. Un autre exemple, s'il advient une raison poussant à la crainte et à la peur, tu verras que celui qui possède une foi authentique, avoir le corps ferme, avoir le cœur ferme, la conscience tranquille, animée de quiétude, gérant ses épreuves avec toutes ses pensées, ses paroles, ses actes, comme il le peut, il aura préparé sa personne à patienter face à ses épreuves. Et ceci tranquillise la personne et raffermit son cœur. Quant au dépourvu de foi, il est le contraire de ce qui vient d'être cité. S'il lui arrive d'avoir des craintes, son cœur s'agace, ses nerfs se tendent et ses pensées se dispersent. Puis il est animé par la peur et la panique, une peur externe et une angoisse interne dont nul ne peut décrire. Et cette catégorie de personnes, s'ils n'arrivent pas à accéder aux causes naturelles, eh bien, leur force s'effondre et leurs nerfs se tendent. Tout ceci par manque de foi. Cette foi pousse et mène à la patience, plus particulièrement dans les circonstances embarrassantes, ainsi que dans les moments tristes et agaçants. Le pieux et le pervers, le croyant et le mécréant s'associent du fait de vouloir posséder le courage. Mais le croyant se distingue par la force de sa foi, de sa patience, de sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et de son espoir en la récompense. Tout ceci augmente sa bravoure, diminue ses craintes et adoucit ses pertes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, si vous souffrez, donc en parlant des musulmans, des compagnons, si vous souffrez, eux aussi souffrent, en parlant des kuffars, des mécréants. Tandis que vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas. Les croyants espèrent d'Allah ce que le kafir, le non-musulman, n'espère pas. Donc ils obtiennent un secours. Donc ces croyants-là obtiennent un secours et une aide d'Allah qui fait voler en éclats toutes les craintes. Allah dit dans le sens du verset « Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. » Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs qui patientent lors des épreuves, qui remercient quand ils sont comblés d'un bienfait et qui se repentent quand ils commettent un péché. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين